Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul. Radio sans frontières. You're listening to Fraîcheur Community Radio KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in Saint Paul. Radio without boundaries. Alors c'est vous êtes à l'écoute maintenant. Ah, bonjour Minnesota. Moi je suis Caril et c'était la première chute, enfin grande chute, chute de neige cette année, je crois. Donc ce soir, on va commencer avec des chansons qui ont affaire avec la neige, l'hiver, parce que c'est même pas c'est le début d'hiver qui est le 21 décembre, mais on sent déjà toute la neige. Alors, voici Stanislas avec une chanson qui s'appelle « L'hiver ». Et ça va être suivi par Jean-Louis Murat et neige. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, le mal grandit celui-même. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au pimen, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Hélas, je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée. Dans le ciel, là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là. Tombé dessus, hyper nuit, hyper nuit. Et

sur la large plaine, comme tous les animaux te craignent. Il neige depuis des jours, c'est ton secret. Il neige, quelques divinités suprêmes voudraient son capuchon de neige à l'embouchure où nous n'irons plus jamais. Rien n'aura jamais fait la peine que tu nous fais. Rien n'aura jamais fait la peine que tu te fais. Il neige déjà nos roches recouvertes, toutes les fermes, tous les êtres, la nature alentour s'est enterrée. Il neige, il n'y a place que pour le silence. Sur ta chair blanche, l'état de mon cœur et de tout savoir. Rien n'aura jamais fait la peine que tu nous fais. Rien n'aura jamais fait la peine que tu te fais. Dans la neige, gorge de loup dans la ténèbre, que veux-tu savoir? Rien n'aura jamais fait la peine que tu nous fais. Rien n'aura jamais fait la peine. Rien n'aura jamais fait la peine que tu nous fais. Rien n'aura jamais fait la peine que tu te fais. Hello. Okay. Well, is this on? Oui, c'est allumé. Oh, non, c'est pas allumé ici même. Par là. Et là. Okay. Well, anyway, I mean, if they... Can you hear me? C'est numéro deux, alors. Well, numéro deux, it's not... C'est pas allumé non plus. Ah, ça fait rien. C'est allumé. Okay, d'accord. C'est... Alors, on a... entendu Bernard Belin en Hyper Nuit et ça, oh no, I speak English, don't I? we heard Bernard Pétain in Hyper Night, and this is part of a selection that was sent us to by RFI on various songs about the night. So we started with Bertrand Belin, but then we are going into a whole selection which we did, and dealing with winter and snow and storm and rain. And actually, I mean, this whole idea came because the prediction, the meteo for tonight was absolutely dreary. I mean, we were supposed to have had storms inches, centimètres de neige. And basically, so we are prepared to give you a whole overview over snow and songs, French songs about snow. But actually, the snow didn't turn out as badly as we thought. So anyway, you will get the snow because either we get it tonight or sometime we will get the snow. So the next one was Stanislas in L'Hiver, in which he, fairly long song and poem about winter. And, do we need Frenchmen to tell us about winter? Well, I mean, it's always a good idea to get someone else's opinion. Merci, Olaf. Il y a d'autres que tu as annoncé le tout. So there was Jean-Louis Murat in Il Neige, It Snows. And I mean, do I need to get into long translations or anything like this? Well, it's snow, and the music is the thing that actually transmits the feeling of snow falling slowly from the sky. Merci bien. Alors, moi j'ai encore une qui est intéressante. C'est Véronique Sanson. Et elle va vous chanter d'abord l'odeur de neige. Alors, j'ai jamais senti la neige. Est-ce que tu penses que la neige a une odeur? Quand il y a vraiment un temps de neige, il y a une certaine, pas une odeur, papa, mais il y a une certaine atmosphère dans les alentours, de sorte que, oui, je crois qu'on peut sentir l'arrivée de la neige. Plutôt la pluie. Ça sent tellement bon, la pluie. Oui, mais... Je dois faire attention avec la prochaine neige. Oui. Et ça va être suivi par Bertrand Belin, Neige au soleil. Le revoir. Une odeur de neige est parvenu jusqu'à moi. Neige couleur de neige qui m'a fait penser à toi. Quand tu me disais allons danser papa, l'orchestre n'est pas bon. Oh, ne dis pas non. Et ne croyez pas que je l'ai vite oublié. Je voudrais le revoir cette année. Neige couleur de neige qui m'avait pensé à lui. Quand il me disait allons danser papa, l'orchestre n'est pas bon. Oh, ne dis pas non. Il ne croyait pas que je l'ai vite oublié. Je voudrais le revoir cette année. Je voudrais le revoir. Ah, ah. Souffle fois, tu cours devant. J'entends, tu ris, tu cours et tu ris. Comment peux-tu courir et rire autant? Tes pas se plaquent, tapent, battent comme le cœur d'un oiseau perdu sur le tarmac. Au bas de l'eau, arrête la route. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Tu veux que je sois vif ton puma. Tu veux que je lance mes ordres de mon armée sur toi. Au bas de l'eau, arrête la route. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Well, we heard two songs by Bertrand Belin. The first one was just general general chanson. The second one, Neige au Soleil, was again in our theme for tonight. He sings about the snow and how nice it is when you have snow and nice sunlight. I mean, this then has a glittering effect on the landscape. So that was Bertrand Belin. And now we're going to hear. Eh ben maintenant c'est. Do we have announcements? Oui, il vaut mieux jouer une annonce ou deux. Oui. Voilà. I'm inviting you to a special KFAI benefit on December 4th. From 5 to 8 p.m., 10,000 villages in St. Paul will be donating a portion of sales proceeds to KFAI. And we've decided to make it a party. KFAI's Vinyl Voices DJs will be spinning records while you browse 10,000 villages' selection of handcrafted and fairly traded goods from across the globe. On December 4th, support KFAI and find a one-of-a-kind gift you can feel good about. More information at kfai.org. programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. The following public service announcement is sponsored by the Minnesota Board on Aging and the Wilder Foundation. You may call it reminding my husband to take his pills or taking grandma to the doctor. We call it caregiving. Remember, if you are a family member, friend, or neighbor taking care of an older adult, you are caregiving. To find local support and resources for caregiving, you may call 800-333-2433 or visit caregivinglink.org. Program. Maintenant, on va écouter une nouvelle chanteuse. J'ai jamais entendu d'elle avant. Elle s'appelle Dina Bay. Dina Bay, qui c'est? C'est une Haïtienne née en Haïti et adoptée par une famille belge. Donc, elle parle plusieurs langues. Français, sa langue, sa première langue, était sans doute la créole. Et anglais et français. Elle va vous chanter d'abord Née autre part. Alors ça, c'est important maintenant parce qu'on voit tous ces migrants et il y a beaucoup de gens qui sont nés autre part. Dina Bay est venue et a été adoptée avec son frère aîné et donc les deux sont dans la musique maintenant. Ça va être suivi par Dina Bay avec une chanson qui s'appelle Béton Acier. On dit qu'elle ressemble beaucoup à des divas afro-américaines telles que Tracy Chapman ou d'autres de ce genre-là. Alors là, voilà Dina Bay. Alors, tu peux parler un peu Mais oui, voilà, elle était vraiment découverte en 2006, et elle est née en Haïti, dans la vallée de Jacmel. Elle a dû quitter son pays à l'âge de 18 mois, afin d'être adoptée avec son frère aîné Nono, par une famille belge venue exprès sur l'île. Et dès lors, une grande complicité s'instaure dans la fraternité et la nouvelle famille. Donc, elle a commencé à danser à l'âge de 17 ans, et puis après, elle a poursuivi sa carrière comme chanteuse des chansons dont vous allez entendre Née autre part, et puis Béton Acier. Voilà. Quelque part, c'est déjà un bon départ. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Nos histoires de couleurs nous donnent de la valeur. Et mes yeux dans tes yeux, je me sens si chanceux. Thank you. puis me trouver sans pas t'apprécier. C'est la soignée. Ou haïtien qui compte, c'est haïtien lié. Je me sens toute seule dans cette foule. Je me sens toute seule. Je me mets en boule. Révolte, Facebook, riposte, et troupes, les chefs des goûts. Prière brûlante ou menaçante, les peurs tremblent. Images et sons, infos, Twitter, panier doré. Web sans frontières où tout se dit, faut être ami. Béton, acier, auto-building, pression, shopping. Les chefs dégoûtent, prières brûlantes ou menaçantes, les peurs tremblent. Images et sons, infos, Twitter, panier doré. Web sans frontières où tout se dit, faut être ami. Béton, acier, auto-building, pression, shopping, travail, métier. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, la première, c'était à peu près un peu dans le style jamaïcain. Reggae, etc. Reggae, évidemment, c'était un thème qui vraiment devient très, comment dirais-je, brûlant maintenant. Mm-hmm. Donc, elle chante comme quoi qu'elle est née ailleurs, elle est née autre part. Et puis, évidemment, tous ces gens qui essayent de obtenir la rentrée dans un pays, obtenir asile, évidemment, ils sont nés autre part. Et, oui, donc, peut-être tu peux dire. Dina B's first song about born somewhere else is very melodic. It's kind of in the swing of Jamaican music, mm-hmm. and obviously it's a single that she has gotten produced, and basically, I mean, she addresses or she sings this, not mentioning, but clearly with the thought in back of her mind about the refugees who are coming in from Syria and Iraq. So it's quite a kind of sad commentary on how where our world stands right now in terms of helping these people or whatever needs to be done. The second one was a little bit more of a rock and roll type song about how you work and how you work day, and most of this is someone works in buildings that are made out of steel and beton, I mean, and concrete. And song, of course, was aptly called Acier Béton. And so that's more like a commentary on present day working life. So mm-hmm. On a une annonce. Young adults between 18 and 20 years old can get help scheduling health checkups through Hennepin County's Child and Teen Checkups Program. Dental checkups are included too. There is no cost for these checkups if you are on medical assistance or Minnesota Care. Get started by calling 612-348-5131. Yes, right. That is 612-348-5131. Residents of other counties can get help from their local county public health departments. Alors, Olaf, qu'est-ce que tu veux, de la neige ou la nuit? Oui, d'accord. Moi, je préfère la neige. Moi, je fais la neige, déblayer la neige hier matin et ce soir. Donc, mais je préfère déblayer la neige au tondre le gazon, vraiment. Donc, pour moi, la neige, ça n'a pas de mystère ni de, comment dirais-je, une connotation négative. C'est tellement joli, la première chute de neige, quand on se promène surtout la nuit, sous les lampes, etc. Yes, ça, c'est mysterieux. Especially now when Christmas lights are in trees that have slightly dusted with snow. Well, this is very nice. So we are going to get a couple of... we will kind of braid in or kind of songs about snow and rain in the general program. And the next two is our Paris sous la neige and Première neige. Alors, voilà, Paris sous la neige. Thank you. je ne suis que moi, mon souffle dans le temps et le jour qui se lève. Il me brûle à nouveau, il va revenir au galop, choquer mon cœur malade. J'ai un empire fragile, mais un empire charmant à croiser nos chemins. Nous nous rendons habiles, même si je sais déjà que mes yeux pleureront comme j'ai déjà pleuré. Et c'est pour ça qu'on boit. À Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux. C'est un Paris somptueux. Je porte à mes lèvres le nom de ce dernier. Je t'oublierai demain. Déchiré sur ta peau le poil, l'écorchure et nos encres de rive. Comme toi, comme moi, la gueule dans le vin et nos cœurs esselés. Je sais, car je connais cette histoire par cœur et son goût malassé. Et c'est pour ça qu'on boit. À Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux. Paris, sous la neige, c'est un Paris somptueux. Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux. Paris, sous la neige, c'est un Paris. Je ne me plains pas, je lève mon verre et bois. Oh putain et à toi, oh putain et à toi. Je ne me plains pas, je lève mon verre et bois. Oh putain et à toi, oh putain et à toi. Oh putain et à toi, oh putain et à toi. Oh putain et à toi, oh putain et à toi. Oh putain et à toi. Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux. Paris, sous la neige, c'est un Paris somptueux. Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux. Paris, sous la neige, c'est un Paris. Que sans un bruit, semblant de rien, il a neigé toute la nuit. Comme s'il n'avait pas neigé avant, comme si on avait eu cette idée. Pour savoir comment commencer la neige, ça ne sert à rien d'avoir étudié. Ce que ça prend, c'est les yeux grands, le cœur gourmand, c'est du talent. C'est un enfant. Où que tu joues, tout blanc de mémoire. Sauter, glisser, se rouler dedans, ouvrir son propre chemin dedans, pour apprivoiser un bonhomme de neige. Ce que ça prend, ce n'est pas un dompteur. Ce que ça prend, c'est une envie de faire ami. C'est du talent. C'est un enfant. Pour avoir tout l'avant-midi, puis avoir tout l'après-midi, pour organiser ses loisirs, pour n'avoir qu'à se faire plaisir, rien à gagner ni à réussir. Pour profiter de tout ce temps qu'il fait, ce que ça prend, ce n'est pas un skidoo, des patins modulaires, un aréna couvert, du ski à Cortina, du sable aux Bahamas. Ce que ça prend, c'est pas mélange, c'est 3-4 ans, c'est du talent. C'est un enfant. C'est un enfant. Right, you heard two more entries into our snow emission, our snow program. The first one, a little bit morose, by Demi Mondaine. Well, what can you say about a name like that? And they've chosen it themselves. I mean, it's not their parents that give them these kind of names. Anyway, Demi Mondaine in Paris sous la neige. And basically, she is somewhat ticked off, and is something hasn't worked out with her boyfriend, and so she is really kind of complaining most of the time. And then, however, at the end of each stanza or so, she sings about snow in Paris, Paris sous la neige, and how that is nice. But that's then just a little thing that gets her mood back up, but it was pretty depressing. The other one, however, Première Neige by Robert Charlebois, First Snow, that was really upbeat. And he starts singing about how he wakes up one morning and here is the landscape is covered with snow, or the cityscape is covered with snow. And that brings out his inner child. And he really likes it. And everyone in audience undoubtedly has also had the same similar experience. You wake up and here is this nice white cover over everything. And the streets have not yet been plowed. They have not been, the snow is white and a blanket. And car tracks are not in there. Footprints are not in. People haven't yet shoveled their snow, so it's all very nice. And that's what he sings about. He actually sings, well, you could go to the Bahamas, but no, I want to stay here. This is my child. I mean, this is the child in me, and he really likes the snow, la première neige. I like that bossa nova beat, too. Yes, and Now, whether he still likes la neige in the mois de mars ou avril is another question. But this is the first snow he likes so much. Well, it's time to tell you, you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90,3 FM, Minneapolis, et 106,7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. And the time is now, it's the top of the hour. It is 9 p.m. 9 p.m., 21... Central Standard Time. And 21 geodetic time. Oh, and 21 seconds? No, 21 21 hours. Wait. They do not have AM and PM in France. For those of you wondering why we're saying 21 hours, they use 24-hour clock. Exactly. Mm-hmm. And that's what the military and that's what the geophysicists and all these people are using anyway, because PM and AM can lead to a lot of confusion if you don't recognize that little P or that little A. Mm-hmm. Anyway. How about some announcements? Oh, yes. Well, things from the Alliance, all kinds of things going on. Right tonight, they had a terrific panel discussion on Europe's migration crisis. That is tonight at 7, that's going on or about to let out at the Alliance Française. There were, in the wake of the November 13th Paris attacks, 5 panelists will come together for this. Other things going on? Well, this is one you will not want to miss. God Elmaleh is coming to the Cedar Cultural Center Tuesday, December 15th. He has been chosen as the funniest man in France and has received Les Palmes Académiques, sort of the Legion of Honor for civilians, and for being the funniest man alive. Go if you can. If you get them in advance, it's a little cheaper. From Ticketfly, www.ticketfly.com/purchase/event. And there's always things going on at the Alliance Française. They're going to be having their petit-déj breakfast coming up on the 5th, that's Saturday, from 9:30 to 11:30, and followed by that, you will find a petit marché de Noël. Good time to pick up gifts for your friends there. All kinds of interesting things for their marché de Noël. So that's this coming Saturday, 9:30 to 11:30 at the Alliance Française. You'll have a nice breakfast with things, goodies provided by Bread Smith. Book Club is meeting on the 2nd, that's tomorrow night, from 6 to 8, Navigateur de la Littérature, 6 to 8 at the Alliance, and they are now reading, it's a Zola, Le Au Bonheur des Dames, Au Bonheur des Dames. It's all about how ladies love to go to big department stores, I guess. Let's see. Lots of announcements tonight. Oh, the moving company, which is composed of various actors from the former Jeune Lune Theater Group, will be playing something called Liberty Falls. And that's going to be, it's an irreverent, raucous comedy set in America's Dairyland. They did receive the Tony Award for Theater when they were La Jeune Lune. This play is going to be running November 27th through December 20th. There are group rates. Where are they performing? I think it's at the Lab in the Warehouse. Yes, it is. The Lab in the Warehouse District. Their number for the box office is 612-333-7977. coming up again. Vous avez passé un joyeux jour de rendre la grâce, Olaf? Non, mais est-ce que tu as... Il y a aussi la, un atelier de Anne sur sur les coutumes de mm-hmm. Noël en France. Et en... Right, it's coming up. Tuesday the 8th from 3 to 4, a visite guidée of the Delacroix exhibit. This is going to be the last one in French for people visiting that. I saw it. Have you yet? It's wonderful. Yes, very nice, well done. Excellent. Soon you can go to registration for winter session. If you sign up early, you get pretty good size reduction. Sign up before December 8th. There's going to be these kinds of many classes. Probably look online to see the wide, wide choice. But you can take a review of conversation before the holiday or to fortify your understanding of grammar. French teachers can receive these as continuing ed credits, too. There will be several topics classes. In-depth pronunciation starting tomorrow, Wednesdays, the 2nd, the 9th, and the 16th, from 10 until noon. And that is Anne who's going to give that. L'humour à la française. What's funny to the French? Well, go see Gad Elmaleh, probably. But, you know, humor doesn't really translate from one language to the other. I wonder how this Gad Elmaleh is going to do here in America. Pardon the... I don't think humor translates too well from one language to another, unless it's maybe a physical humor. Yeah, no, it's kind of... It's hard to tell a joke. It's hard to tell, and who very funny. There are some two extremely important psychological works out in France on le rire. On the laugh. And that is, I forget the author, I mean philosopher, on le rire and the laughter. Well, this class that's offered at the Alliance called Humor French Style will be offered on Tuesdays for 3 weeks, the 3rd, the 10th, and the 17th from 6 to 8 p.m., or Wednesdays, the 2nd, the 9th, and the 16th from 10 a.m. to noon. There are one-day workshops. There are Traditions of Christmas. That's going to be Saturday, December 5th. That's the same day. That's 1 to 4. That's the same day that they're having the Petit Déj on Saturday. Discover how Christmas is celebrated. Anne will tell you more about Saint-Nicolas, the 13 desserts of Provence, and Les Santons. I have a Santon, a very beautiful lady holding a bouquet of lavender. And Les Marchés de Noël de Strasbourg. Perhaps we can get her to visit us one of these days. Children's classes coming up. I'd suggest you look online. There's mini sessions on Saturday, three Saturdays for, I believe it's an hour and a half for each session. Children discover the joys of winter seasons through poems, decorations, and music with the Alliance instructors, who are all French. Treasures of Napoleon, through January 10th at the Minnesota Centennial Showboat in St. Paul. Members of the Alliance will receive a discount. And these are rare personal belongings that Napoleon I had, and some of the most famous depictions of him by the greatest artists of the time. Someone called, we'll not announce him later, Daniel Wall, holographic music coming up in February 11th, that we can talk more about him later. And, of course, many things going on in Rochester, if you're down there. And I guess that's it. Four announcements going on. Alors, vas-tu ajouter? Non, ça c'est assez complet. On va revenir pour les chansons de la nuit. Hein? Alors, on va écouter Alain Bechin qui va vous chanter La nuit, je mens.

oublie la fleur de l'orge pure. Ainsi le diable se rassure, dans la noceur ou la morsure, je m'en tirerai fort, je le jure, frôlant l'amour ou la rupture. La bête à cornes manque d'air quand le ventilateur tourne dur. Tout s'est passé sous la ceinture, et ton portrait n'est que rature. L'oiseau qui lira tes ratures verra des corbeaux au cœur pur. Se fera nu, juste sauvé par les réflexes, la vivacité du cortex, tout encerclé de futurex. Mon cœur solitaire se rassure, dans la mousseur ou la morsure, la résistance est un réflexe. J'ai mis de côté mes scrupules, et tous les mots doux d'un début, sur tout le chemin du plaisir, voulu m'échapper sans m'enfuir. La lune, oublie la fleur de l'orge plus. L'oiseau qui lira tes ratures verra des corbeaux d'herbure. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit, tu vas, la nuit, la nuit, voler dans les plumes. Chaleur des nuits j'allume, tant de foyers qui se consument, de longues ombres se devinent, divines flammes assassines. Je mentirai fort, je le jure, et briserai ton beau cœur pur. Je mentirai jusqu'à plus d'air, et m'enfuirai le ventre à terre. N'offre de rose que pour l'épine, les mots les non-dits je devine, car tout sera dit sans le texte, et la censure mise à l'index. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wow. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Wow. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il veut la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Tu vas la nuit, la nuit, voler dans les plumes. La lune, oublie la fleur de l'ange plus. L'oiseau qui lira tes ratures verra des corbeaux d'herbure. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit, tu vas, la nuit, la nuit, voler dans les plumes. All right, you heard La Nuit Je Mens by Alain Bashung. And this is At Night I Tell Lies by Alain Bashung. And La Nuit, La Lune, The Night, The Moon by Renaud Papillon Paravel. Okay, well, La Nuit Je Mens, why would one say something like this? Well, he also mentions Le Vercors, which is a region in France that actually was well known for for being a base for many of the résistants during World War II. And so you had to lie at night. You had to kind of make up stories in order to get past whatever the controls or whatever it might. So it's a very actually it's a very interesting song that actually is part of an album that's called Fantaisie Militaire, so military fantasies, and it's actually a song that actually garnered quite a good publicity in the 1999. So, but it clearly has a relation to the resistance and to what people had to do in order to stay alive. The next one is by Papillon Parabelle, and that means la nuit, la lune, the night, the moon. It's kind of a rock song, and it describes the mysteries of the night. Some of them somewhat fairy tale like, and others more sinister. And some of these parts are kind of almost whispered into the microphone. So that was Paravel. And bon, on a deux annonces. Hi, this is KFAI General Manager Leah Honsky. I'm inviting you to a special KFAI benefit on December 4th. From 5 to 8 p.m., 10,000 villages in St. Paul will be donating a portion of sales proceeds to KFAI. And we've decided to make it a party. KFAI's Vinyl Voices DJs will be spinning records while you browse 10,000 villages' selection of handcrafted and fairly traded goods from across the globe. On December 4th, support KFAI and find a one-of-a-kind gift you can feel good about. More information at kfai.org. So what is the Wave Project? It's a celebration of Frank Zappa, Dungeons, Dragons, Goldfinger. By comparing modern science with ancient Indian Vedic scriptures. As we tackle autism and football. The possibilities are endless. You provide the idea and host your own show. We provide the engineer and promote it during the week leading up to your show. Visit our website at kfai.org/waveproject. For more information and an application to host your own one-hour radio program, The Wave Project. It's anything you want it to be. Hello. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. Moi, je suis Caril. Et moi, je suis Olaf. Bonsoir, Caril. Bonsoir. Et nous avons choisi ce soir de la musique pour la première grande neige, qui n'est pas si grande qu'on l'a annoncé avant. Mais maintenant, on va écouter une très belle chanson écrite par un chanteur, Florent Marchand, Les neiges de Finlande. C'est très, très bref. Donc, on va vous donner aussi Salvatore Adamo avec Tombe la neige et Une neige sur Liège par Jacques Brel. Je veux que tu saches que chaque fois que j'ai tenu une fille dans mes bras, chaque fois que j'ai embrassé ou caressé une femme, chaque fois que je suis monté dans une chambre d'hôtel, c'était toujours en pensant à toi. Tu as tort de dire cela, je vais le croire. C'est pour ça que j'avais tellement envie de coucher avec tout le monde. C'était pour penser à toi. Pourquoi tu ne couchais pas avec moi pour penser à moi? Je n'en sais rien. Tu es un homme de cœur. Sans trouver mon chemin. J'escalade tes seins avec l'aide des dieux. Si tu savais où je vais. J'embrasse tes ancêtres sur leur bouche adorée et toutes les terres qu'ils ont un jour foulées, je les embrasse pareil à un nouveau-né. Puis je pleure un peu, pauvre con que je suis. Marche dans tes cheveux sans trouver mon chemin. J'escalade tes seins avec l'aide des dieux. Si tu savais. A fait le tour du monde sur les épaules d'un marin. Un rêve a fait le tour du monde, c'était le mien. Mon rêve a fait de beaux voyages et m'en rapporte des cadeaux. Entre les mains de mes nuages, il met le ciel de Bornéo. Tout ce qu'il dit devient merveilleux, le monde est plein de bruit d'appel. Et je le crois, le méchant loup est un archange, les ogres mangent des oranges. Et je le crois, les cendrillons filent la laine pour habiller Croque-Mitaine. Et je le crois, alors je dors sur des légendes et je peux voir de mon grenier tomber les neiges de Finlande sur les Noëls d'Aubervilliers. tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Pas ce soir, tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Pas ce soir, me crie mon désespoir. Right, so we heard, first we heard a song by La Neige de Finlande, La Neige de Finlande, which basically, it's a song about someone who has all these connections, would like to go to various places, has people or has his friends give him gifts from, and he has also been in various places in the world, even Borneo and others. But at the end, he says what he really wants is be back to the snows of Finland. And the next one is Tombe la Neige by Salvatore Adamo. And, it's kind of a song, kind of with a sad tone to it, and basically what it says, well, the snow is falling and you won't come tonight, I'll be alone. Well, it's not totally clear if relation is broken anyway, or he is just taking his example, or takes the excuse that it's snowing for not coming, or whether indeed it's such a heavy storm that you wouldn't want to go out. So those are the two. Anyway, if someone is totally in love, then they wouldn't manage any kind of snowstorm to get to their beloved. C'est une chanson très romantique, hein? Yes, very romantic. Adamo. Bon, alors, Maintenant, on va retourner à la nuit, les chansons au sujet de la nuit. Et vous allez écouter, voyons, c'est... Oh, il y avait Jacques Brel qu'on n'a pas joué. Si mais on va le jouer tout à l'heure, ça n'est pas hein? Pas là. Oui, d'abord jouons à Jacques Brel. Neige, neige sur Liège, oui. Voilà. Je ne connaissais pas du tout cette chanson, mais c'est numéro 5, allons-y. Il neige sur Liège. Et la neige sur Liège pour neiger met des gants. Il neige sur Liège, croissant noir de la Meuse, sur le front d'un clown blanc. Il est brisé le cri des heures et des oiseaux, des enfants à cerceaux, et du noir et du gris. Il neige sur Liège, que le fleuve traverse sans bruit. Il neige sur Liège, et tant tourne la neige entre le ciel et Liège, qu'on ne sait plus s'il neige sur Liège, ou si c'est Liège qui neige vers le ciel. Et la neige marie les amants débutants, les amants promenant sur le carré blanchi. Il neige sur Liège, que le fleuve transporte son bruit. Ce soir il neige sur mes rêves et sur Liège, que le fleuve transperce sans bruit. This Thursday, enjoy some seasonal cheer at the Town Hall Brewery to support KFAI. Thursday, December 3rd, from 4 to 6 p.m., 25 cents from every pint of the West Bank Ale sold at the Town Hall Brewery at 1430 Washington will be donated to KFAI. Check out the KFAI Facebook page for all the event details. Cheers! So we heard Jacques Brel in the song Il neige sur Liège, and it's kind of a very slow, very slow. Rather sad. Yeah, well, I mean, I think he kind of, what should I say? He kind of, the way he delivers the song and talks about Liège and the black river that goes through it, and that here are a couple of lovers who walk on the main town square, but the town square now is slightly white. I think just and by stretching it out so slowly, I think he tries to convey some kind of a disdain for Liège, could be. I mean, he had disdain for many places in Belgium. And Liège, of course, is not one of the most interesting cities. Kind of black and dark, isn't it? Black and dark, and it's in the coal region, and it was, yes. And it's kind of industrial region. It's mm-hmm. in the Ardennes, the beginning of the Ardennes, and it's rainy and dark and gloomy much of the time. So I think the way he sang it in absolutely slow motion, somehow or other, conveys a slight disdain of Jacques Brel to the city of Liège. Ooh, encore, unanimous. KFAI and Kinda Kinky present Holiday Shindig 5, a benefit concert for the Food Group, Saturday, December 12th at the Eagles Club. Hosted by Kinks tribute band Kinda Kinky, performers include Curtis A., Bill Batson, Ginny Dodds, and many more. Non-perishable food items will be accepted. Information available at facebook.com/kindakinky. Here's another announcement. Last week we had Rob Henry and his group, Parasota Hot Club, and I wanted to make sure our listeners knew where he's playing. His next time he plays is December 9th, and it's at the Schooner Tavern on Lake Street, 2901 27th Avenue South. So they have live music Wednesday through Monday, no cover. So he's going to be playing with the Parasota Hot Club, 7:30 to 11 at the Schooner on December 9th. And then following that, on the 19th, 8:30 to 11:30 at Merlin's Restaurant and Pub. And Merlin's is, let's see where they are. Not one that I knew about. 3601 East Lake, Minneapolis. It's your British Isles home in Minneapolis. And they offer you a picture here. I suppose they have offer things British. It's about 1 mile west along lake from the Mississippi River. They have good Wi-Fi, good food, tasty pints. Well, so, but then especially and the music. And especially the music. The music, you'll hear that great Parasota Hot Club will be playing there then. Well, we'll tell them again next week, too, so they don't be sure not to miss it. Alors, continuons avec notre musique, et cette fois, c'est encore La Nuit qui revient, et c'est Alex Beaupin qui va vous chanter La Nuit promet, et ça va être suivi par Zoufris Maracas, quel drôle de nom, hein? Si tu crois que cette nuit. Alors, j'ai vu des annonces, il y avait des affiches un peu partout quand j'étais en France en septembre pour Zoufris Maracas. Ah. Donc, c'est quelqu'un de populaire maintenant. Les voilà. Toujours bien dans la gadoue, la pluie du matin nous lavera de tout. La nuit promet d'être sale, à traîner dans les bars, à rouler dans la boue. La nuit promet de faire mal, du dégât dans les quarts, du dégoût dans les coups. Baiser génial, pauvre caresse à genoux. La nuit promet de faire mal. Dans la lumière des phares, j'ai vu vos grands yeux fous. répète aux gens bien dans la ghetto. La pluie du matin nous lavera de tout. La nuit promet d'être sale. Je n'ai pas fait le quart de mes 400 coups. La nuit promet de faire mal. Rentrez-moi dans le lard, mordez-moi petit loup. Se fera tard, moi je vous ferai tout. La nuit promet de faire mal. Sur vos vêtements épars, je serai votre époux. Rouge comme de homard dans ce bas à remous. Cette mare au canard qui n'appartient qu'à nous. J'aime le goût bizarre du miel de vos bisous. Vraiment c'est assez rare ce goût de sucre roux. Pataugeons bien dans la gadoue, la pluie du matin nous lavera de tout. La nuit promet d'être sale. La nuit promet. La pluie du matin nous lavera de tout. Que cette nuit, je vais te laisser tranquille, à demi endormi. Faut que tu te déshabilles. Moi, mon plaisir à moi, c'est de te rendre fébrile, que tu inondes les draps avec ta sueur divine. Cette nuit dans tes bras, je vais oublier l'usine, mon patron qui m'aime pas, et ses secrétaires mesquines. Allez, réveille-toi, ouvre l'œil et dis-moi que c'est moi que tu veux, tout coller contre toi, ma main dans tes cheveux, sans que tu ne me vois qu'au plus profond de toi, je fasse ce que je veux. Si tu crois que cette nuit, je vais te laisser tranquille, à demi en envie de goûter à ta vanille. Moi, mon plaisir à moi, c'est de te rendre fébrile, rouler par-dessus toi, jusqu'à ce que tu me supplies de descendre plus bas et de pousser les machines de ton corps aux abois, jusqu'à ce que tu t'illumines. Allez, réveille-toi, ouvre l'œil et dis-moi que c'est moi que tu veux, tout coller contre toi, ma main dans tes cheveux, sans que tu ne me vois qu'au plus profond de toi, je fasse ce que je veux. Avec toi, pour éviter les abîmes de ma vie de forçat, et en poids avec la routine. Un coup toi, un coup moi. Une langue est si facile, pas besoin de vocabulaire pour se mettre à l'envers. Toi, ouvre l'œil et dis-moi que c'est moi que tu veux. Tout coller contre toi, ma main dans tes cheveux, sans que tu ne me vois qu'au plus profond de toi, je fais ce que je veux. So we had Alex Popin in La Nuit Promet, The Night Promises, or is full of promises. He doesn't really say what the promises are, but he actually is a very well-known songwriter and actually has written songs for movies and short clips. And this song comes from an album called Pouvoir, Pourquoi battait mon cœur, Why Did My Heart Beat? Well, so obviously, I mean, he, La Nuit Prometteur, La Nuit Promet, is along those lines. I mean, his heartbeat undoubtedly was pretty rhythmic at that time. The next one is by Soufri Maracas. In Si tu crois que cette nuit, if you believe, or if you think that this night will do, and then he goes into a song, whatever it does. But the album or the title or his name is somewhat according to the Algerians who came to France in the 50s in order to work there, and. Well, the title is a little bit, well, not cynical, it's not maybe not the right word, but kind of, si tu crois que cette nuit, if you thought that this night things would get better or whatever, forget it, he says. So he is very well known in France right now, and car il saw large posters for him when you were in Paris in September, right? Oui, dans la banlieue. Okay. Oh. Enfin, c'était dans la gare d'une toute petite station en banlieue. Oh well, you see, this is also where these the workers and their children. I mean, have been sequestered is not the right word, but were kind of they were pushed into these HLM. And this was more of a nice little houses that looked like an American suburbs. Okay, well then that's. Saint-Dieu-le-Forêt. Really a lovely little village. What was it called? I think it was called Saint-Dieu-la-Forêt. La Forêt, okay. Well, that's. So these then maybe, si tu crois que cette nuit, tu avoir un meilleur traitement, maybe that's true. So maybe if they think this night you'll be advancing. Maybe they did, and then get into this suburb that looked much nicer than the HLM. Oui. Alors maintenant, on va écouter, je crois que ça va être notre dernière chanson pour ce soir, sur la neige, puisqu'on en a eu ici. Et c'est Jean-Louis Murat, Neige et pluie au Sancy. Neige et pluie au Sancy. Mélange, pas tellement joli, hein? Alors, je vous dirai au revoir tout le monde, à la semaine prochaine, et bonne nuit, de Bonjour Mélisoteur. Si on a le temps, on jouera un peu de la musique de Paris au Tarot Club. Au revoir, Olaf. ville, trempé comme une jonquille, léger puis insensible. Il pleuvait, c'était tout con, pleuvait sur ses cheveux blancs. Faut pas rester sans un bruit quand il est jaune. Faut pas choisir une vie quand il neige sans suie. On a retrouvé les corps là, sur la route du Mont d'Or. Il faisait encore nuit quand les chiens ont gémi. Pourquoi raconter l'histoire de la chose qui finit mal? Faut pas faire de mal au petit quand il neige aussi.